بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc, très content jeudi à pour n'a commencé en l'autre conférence parmi conférences mensuelles nous yo que nous t'ai commencé déjà depuis trois mois ou même un peu plus que trois mois. Et jusqu'à date, nous avons en fait deux conférences. Première conférence, là, c'était à propos de Tawhid ou Shirk. Et la deuxième conférence, c'était à propos de la différence entre As-Sunnah ou Al-Bid'a. Et jeudi, nous avons l'autre conférence. Et sujet conférence, là, son sujet qui est extrêmement important, tant que l'autre sujet que nous avons fait. Et c'est à propos de qui est-ce qui était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que nous allons essayer by un petit résumé de qui est-ce qui était prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui ça qui signification ou sens témoignage là shahada, le témoignage de l'islam et qui rôle l'y jouer, qui rôle l'y jouer. Donc, nous allons voir, Inch'Allah, dans la conférence, ça, un petit résumé de réalité, qui est-ce qui était prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et qui ça l'était fait dans, durant mission que l'était gagné pour le propager le message de Dieu, le message d'Allah, Azza wa Jal. Donc, nous allons essayer de clarifier bah, ça, parce que raison un peu particulière en même temps pour qui ça sujet ça plus important en particulier en créole, c'est parce que nous connaît que nous-mêmes haïtiens nous avons histoire et nous avons culture qui disons depuis que yo t'ai prend nous en Afrique puis yo t'ai mené nous en Haïti, eh bien en grande partie c'était européen qui t'est mené nous et qui t'est chrétien, hein, en majorité tout colonisateur européen yo c'était catholique yo t'est. Donc que ce soit les espagnols ou bien les français, eh bien c'est yo t'est tout catholique, hein, et puis à cause de ça musulmans connaissance religieuse ou connaissance de religion musulmane en Haïti t'es toujours un bagage qui t'est présenté d'une façon négative, ok, parce que l'Église catholique t'est toujours était gain habitude pour y mentir en pile sur l'islam et pour y bailler une image de l'islam qui est très négative jusqu'à aujourd'hui les wap gade dans médias dans nouvelles. Il a toujours essayé de montrer musulmans tant que c'est terroriste, tant que c'est sauvage, hein, monde sauvage, bagarre comme ça. Donc ça a son image qui découlait de réalité historique que européens ont gagné, étant donné que ils ont pas très aimé les musulmans, ils ont pas très aimé l'islam, et puis ils ont inculqué haïtiens attitude ça envers l'islam tout. Et nous connaissons que en même temps les haïtiens étaient en Afrique, parce que en réalité haïtiens sont un peuple qui déraciné culturellement et historiquement, parce que pas grand haïtien qui connaît réellement qui origine li en réalité dans qui côté il était sorti en Haïti en Afrique, dans qui langage que il était connait parler et dans qui religion que le tape suivre réellement avant yo te prendre esclave en Afrique. Nous avons une idée, hein, une idée générale de qui côté nous sorti en Afrique de l'Ouest, et puis nous avons une idée de différents pays que esclaves africains ont été sorti, mais d'une façon plus exacte, plus précise, nous pas gain disons un bagage historique qui a révélé nous réalité de origine noire, de qui tribu, de qui peuple, de qui famille, de qui langage nous te gain réellement. Et qu'on y en a exprimé tête nous en créole, hein, et n'a pas les créoles, nous dit haïtien c'est créole, n'a pas les langues nous. En réalité, nous connaissons que langage ça c'est pas réellement vrai langage noir. Son langage qui t'est inventé si vous dit ça, parce que en réalité vrai langage haïtien yo, bon yo pas gain un seul langage, yo gain pile, parce que haïtien yo pas sorti tout dans un seul même côté, yo pas tout sorti de un même peuple, et yo pas tout dans même croyance tout. Gain haïtien qui t'est gain africain qui t'est musulman, gain l'autre africain qui t'est animiste, et gain l'autre africain qui t'est peut-être dans l'autre religion tout. Nous par contre tout détail yo, mais ça nous connaît, c'est que kounya jodi a nous tout gon possibilité et on opportunité pour nous tendre parler de l'islam qui s'allie, et prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui s'allie, qui est-ce l'était et qui s'allie t'a enseigné, et qui est-ce qui s'acte mission li, qui s'acte message li. Donc c'est ça nous va essayer expliquer jodi a inshallah. Donc n'a commencé déjà avec une introduction, et introduction que besoin bay nous, c'est premièrement pour nous comprendre que Allah Azza wa Jal t'a expliqué dans le Coran que Allah Azza wa Jal t'a créé Adam, et Adam OK il crée femme li, Eve, à partir de en partie de Adam, Allah Azza wa Jal crée Eve. Et ensuite nous connons l'histoire que Allah Azza wa Jal t'a mentionné à propos du fait que Allah Azza wa Jal t'a ordonné zanjou pour yo prosterner devant Adam. Jean Allah explique dans le Coran. Et parmi zanjou te gen yon nan djinn yo. Djinn son l'autre création qui existait. Hein, nou rele yo djinn. Et djinn yo son création qui caché. Hein, nou pa ka wè yo, mais yo existé. C'est pas zanjou ye. Hein, son l'autre création. Zanjou Allah Azza wa Jal te créé yo à partir de la lumière, et djinn yo yo même yo créé à partir du feu. Et haïtien yo gon on connaissance en réalité de djinn yo, parce que yo gon religion qui rele voodooisme, et voodooisme là son religion qui basée sur le culte des djinn. C'est djinn y a pas d'autre. Yo rele yo loi en créole, mais en réalité loi ça yo c'est djinn yo ye. Et origine diabio, c'est djinn yo ye. Mais ça veut pas dire que tout djinn yo c'est diable yo. Il y a gen djinn qui pas diable, gen djinn qui chrétien, gen djinn qui musulman, gen djinn qui gen l'autre religion tout, tant que l'être humain. Sauf que djinn qui cap suivre Shaytan, cap suivre le Satan, c'est diable yo. OK? Et premier djinn yo, premier diable qui t'a existé, c'est Iblis. Iblis c'était premier djinn, premier Shaytan, le premier Satan, premier diable. Et puis les Allah Azza wa Jal, les Allah t'a ordonné Adam pour le prosterner. Pardon, les t'a ordonné les anges pour le prosterner devant Adam. Eh bien, Iblis était en présence de anges, parce que Iblis c'est un djinn qui était rapproché d'Allah, parce que il était grand pile connaissance, et il était très pieux, et il était rapproché d'Allah au début. Sauf que les Allah Azza wa Jal créé Adam, il créé Adam, il ordonné les anges pour prosterner devant Adam. Maintenant Iblis était avec Zanjo, mais il refusait pour le prosterner tête devant Adam. Et là, Allah Azzawajal demandé pour qui ça ou refusait pour prosterner devant Adam. Parce que, en réalité, Iblis était jaloux, puis il était orgueilleux. Il pas voulait prosterner devant Adam. Donc, là, Allah demandé pour qui ça ou pas prosterner devant Adam, il dit, je vais pas prosterner devant Adam parce que je suis bon passé. Adam t'a créé à partir de la terre, moi-même, ou t'a créé avec le feu. Donc, le feu, puis bon, passer la terre. Donc, je ne vais pas prosterner devant ça qui est inférieur à vous. Hein? Donc, à cause de ça, Allah Azza wa Jal maudit Iblis. Donc, Iblis vient en diable à partir de moment ça. OK? Et il fait un serment, hein, il jurait que l'Itapral fait tout ça le capable pour égarer petit Adam yo, tout être humain yo. Là, il dit m'a pèsé tout ça m'a fait, m'a vinn par devant, par derrière, la droite, la gauche, dans tout côté m'a pèsé, hein, pour m'égarer petit Adam. OK? Et Allah Azza wa Jalla lui dit que Allah lui dit m'a bon on répit jusqu'au jour de la résurrection, et tandis que serviteur mio qui pral sincère, qui pral obéissant, ou pas gain pouvoir sou yo. Mais ça qui dévie yo parmi être humain yo, c'est yo même seulement qui suivre vous. Donc Iblis te gon mission à partir de moment ça, hein, parce que Adam lui-même Allah t'a créé, il était dans le paradis avec Ève, et puis il gagne tout ça le besoin. OK? Mais quand il y a tes gonzabes dans le paradis, Allah Azza wa Jal interdit Adam pour le manger dans l'absa, dans l'absa. Il dit ou pas manger fruit de absa, son ab qui est interdit pour. Quand il y a Iblis lui-même les vini, hein, à Adam et à Ève, et puis il dit yani lab ça son lab yani qui gain on mérite spécial, et Allah Azza wa Jalla lui-même il pas voulu nous manger dans lab ça parce que il pas voulu que nous vienne éternel, hein, et ainsi de suite. Il bay on paquet menti qu'il y a Adam lui-même il pensait que Iblis son monde honnête, son monde fiable. Donc qui ça le fait? Li prend nan abla ni manje nan l'absa. Et après li réaliser que Iblis t'est menti. Hein, Iblis t'est menti. Et puis à partir de moment ça, il était senti coupable, il était senti honte que il désobéit à Allah. Alors qui ça le fait? Li mandé Allah Azza wa Jal pardon. Demandez Allah Azza wa Jal pardon. Et à cause de ça, Allah Azza wa Jal pardonne-li et li chasse-le dans le paradis avec Iblis pour lui descendre sous la terre. Et à partir de moment ça, Adam t'est repenti, hein, Allah t'est pardonné-le et li rete sous l'adoration d'Allah. Donc lui-même Adam, il était sous religion, hein, de l'unicité, il t'a adoré Allah seul, il pas dans l'idolâtrie, il pas dans l'autre croyance, hein, parce que pas de l'autre religion que religion ça. Religion Adam, c'est religion d'Allah, la religion du tawhid, l'unicité d'Allah. D'accord? Et toute l'humanité après petit Adam, toute petite Adam yo tout était sous tawhid. Pendant plus que 10 générations, ils étaient tous sous tawhid. Kounya, peuple Noé, nous connaissons l'histoire Noé, les Noé vini, en explication dans le Coran à propos de Noé, c'est que ça qui est arrivé avec peuple Noé, c'est que peuple Noé, son peuple qui était gain, en pile, savant et monde qui était gain connaissance hein, de la foi de Allah, de l'adoration, de la religion, il y a monde qui était bon, hein, et il y a 5 personnages en particulier qui étaient yani bon serviteurs d'Allah. Quand les 5 serviteurs ça ont mouru, eh bien Iblis tournait encore pour l'essayer égarer être humain yo. Et lui commençait vin introduit en idée parmi peuple de Noé hein. Et il dit moun yo nous est 5 moun sa yo qui étaient pieux qui étaient bon pour qui ça nous pas fait image yo ou statue yo hein pour nous ca nous ca rappeler tête nous de piété yo et de bonté yo hein n'a mettre statue yo et puis n'a imiter yo n'a essayer suivre exemple yo. Donc Shaytan réussit pour li fait yo fait image moun sa yo et yo placer image un statue yo en plein en mitan cité à en mitan ville là. Sauf que au début moun qui était là au début yo te connaît réalité religion hein, yo te connaît réalité que c'est Allah seul pour nous adorer. Sauf que après quelques temps l'autre jeune qui commençait grandir un petit monde qui commençait ouais statue ça yo Shaytan vin séduit yo il commençait dire yo ouais statue ça yo te place statue ça yo c'est pour nous prendre statue ça yo tant coup intermédiaire pour nous adorer Allah. Donc faut nous passer par statue ça yo parce que moun ça yo te pieux yo te rapproché d'Allah si nous adorer ou bien si nous voulons adorer il faut nous adorer à travers statue. Et c'est ainsi que l'idolâtrie a commencé à entrer dans l'humanité. Quand un peuple Noé commence à faire shirk, commence à adorer l'autre avec Allah. C'est quand ça va commencer. Shirk-là, elle commençait, parfois, elle commençait de, en façon qui semblait, innocente, ou bien même que parfois moun yo pense que son bon intention yo gen hein yo di mais non nous pral faire bon exemple nous pral suivre moun ki te bon avant nous et puis nous n'a pas adoré Allah au début après ça yo commencé prend moun yo tankou intermédiaire entre eux-mêmes et Allah et puis après yo tombé dans shirk kounya Allah azza wa jal voyé prophète Noé pour le ramener peuple lien à l'unicité d'Allah et à la foi au tawhid pour yo abandonner adoration statue que yo té construit et pour li détruire idolâtrie qui té commencé introduire dans l'humanité mais peuple nous hein yo refusé accepter message là yo refusé tendez ça nous en tête t'a dit. Et puis Noé construit un bateau et nous connaissons ça qui arrive ensuite toute l'humanité noyée excepté monde qui était avec Noé qui sauvé. Et c'est ainsi que à travers l'histoire Allah Azza wa Jal à chaque fois que monde d'un côté commencé dévier de enseignement prophète yo enseignement messager yo et que yo commencé écarter tête yo du tawhid et de l'unicité d'Allah, li voyon prophète pou yo. Li voyon messager pour lui ramener peuple yo à l'unicité au message des prophètes. Donc gon série de messagers de prophètes qui Allah azza wa jal te voyé à l'humanité. Gen prophète Allah Azza wa Jal te mentionné nous histoire yo dans révélation yo mais gen l'autre prophète qui t'est venu à l'humanité nous pas konn qui est yo parce que pas gen on récit hein à propos de histoire yo sauf que li t'est voyé à chaque peuple un messager hein et ensuite nous connaît Allah Azza wa Jal t'est envoyé un pile messager parmi grands prophètes yo que t'est envoyé gen Abraham. Abraham son prophète qui était extrêmement important, son messager très important parce que c'est papa l'autre prophète yo qui vient après. Tout prophète yo qui vient après Abraham, yo tout descendant de Abraham. Et Abraham te gen deux petites. Il te gen Ismaël et il te gen Isaac, Isaac. Ismaël c'est de lui-même que Mohammed t'est sorti parce que Mohammed sont descendants de Ismaël. Et Isaac lui-même, nous relé en arabe Ishaq, eh bien, il était gain un fils qui était relé Jacob. En arabe nous dit Yaqub. Et Yaqub t'a gain 12 petites. Et yon nan petit sa yo nous connaît c'est Joseph literally Youssef en arabe hein et 12 petit sa yo c'est yo même qui origine de 12 tribus des fils d'Israël. Donc c'est à partir de deux petits Abraham que l'autre prophète yo sorti. Ensuite après Abraham t'es gain Moïse, hein, avec frère Haroun, et Allah Azza wa Jal t'es voué pour sauver, petite, hein, de Bani Israël. Et ensuite, bon, l'autre prophète que nous connaissons tous, c'est, un grand messager, parmi messagers, c'est Jésus, hein. Sauf que, ça crive avec Jésus l'est venu, c'est que Allah Azza wa Jal l'y élevé dans les cieux et l'y sauvé, hein, de monde qui t'a comploté pour yo assassiner. Qu'on y a un chrétien yo quoi que l'y mourit sous la croix et que yo tué. Bon. Allah Azza wa Jal dans le Coran lui explique nous que yo pas tué et yo pas crucifié, mais c'est ça qui t'est semblé, hein, c'est ça qui t'est semblé dans Dieu, parce que c'est façon ba yo rivé Allah Azza wa Jal lui échanger Jésus pour un autre monde qui semblait Jésus, les yo kembel yo pense c'est Jésus yo gain, c'est un autre monde qui t'est semblé Jésus que yo crucifié. C'est pas de Jésus. Jésus lui-même, Allah Azza wa Jal sauvé et l'y monté, l'y fait monter aux cieux. Ça c'est ça que Allah Azza wa Jal expliqué dans le Coran. Maintenant, Jésus lui-même, Isa, enseignement que l'te gain, l'elvini, l'y apprend, fils d'Israël, yo, à adorer Allah. Et lui continuer à enseigner même message que tout l'autre prophète qui a été enseigné, c'est que c'est Allah seul que nous supposons adorer. Nous pas gain doit adorer en rien avec Allah, pas gain idole, pas gain statue, pas gain esprit, pas gain loi, pas gain zab, pas gain roche, pas gain rien, hein, que nous gain doit adorer, excepté Allah Azza wa Jal. Nous pas adorer saint, nous pas adorer image, nous pas adorer statue, nous pas adorer, hein, en rien, excepté le créateur, Allah. Ça, c'est message Jésus, hein. Message tout prophète, yo, c'est même message, là. L'unicité d'Allah, hein. Le monothéisme pur. Et Jésus te combat tout ça qui shirk, tout ça qui association ou idolâtrie, hein. Donc ça c'est réalité message Jésus. Ah, ça que t'es arrivé après nous connaît. Paul arrivé, il change message là et après ça il a introduit religion Jésus dans l'empire romain. Romain yo t'es païen, yo t'es adoré un paquet idole, un paquet statue. Yo croit que Dieu gain femme, gain petite, gain bail comme ça. Yo mélanger enseignement Jésus avec enseignement romain grec yo. Et puis, les vins créés, ça nous connaît aujourd'hui, hein, le christianisme. Donc, Allah Azza wa Jal voyait l'autre prophète. Et ce dernier prophète-là, le prophète Muhammad. Et prophète Muhammad, il était une mission spéciale, tout. Et, premièrement, mission qu'il était gagnée gon grand différence entre prophète Mohammed et l'autre prophète yo parmi prophète de fils d'Israël yo. C'est parce que prophète de Bani Israël, fils d'Israël yo, les un prophète vini, li vini à un peuple qui déjà gen un livre révélé et qui déjà conn religion, base de religion, l'unicité d'Allah, la foi en Allah. Yo déjà gon peuple ça déjà gon base parce que Allah t'a voyé en pile messager, en pile prophète. Qu'on y a un prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui-même son descendant d'Abraham lié à travers Ismaïl, et Ismaïl lui-même l'était grandi parmi tribu arabio à la Mecque. Hein, en Arabie, et nous connaît que il était construit avec papal, avec Abraham, Ismaïl était construit avec Abraham en lieu, un premier lieu pour adorer Allah qui relait la Kaaba, et c'est à Mecca, à la Mecque, que nous ca joindre ça. Et chaque musulman yo supposé une fois dans vie pour aller faire un pèlerinage dans côté Abraham t'est construit Kaaba avec petit li Ismaïl. Hein? Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même li, c'est dans ville ça qu'il t'est faite. C'est dans ville sainte ça qu'il t'est faite côté Abraham t'est construit Kaaba avec Ismaïl. C'est ville qui relait la Mecque. Il y aurait les dit en français, il y aurait la Mecque, en arabe nous dit Makkah. Hein, Mecca. Donc prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam li né dans ville sainte ça. Et li gon mission particulière, c'est parce que peuple arabio à l'époque ça, yo t'ai blié enseignement Abraham yo. Hein, yo t'ai blié ça Abraham yo t'ai enseigné yo, et yo t'ai commencé introduire un paquet idole. Hein, et yo mette idole sa yo autour de lieu que Abraham t'a construit avec Ismaïl, li mette statue sa yo, yo mette statue sa yo autour de Kaaba. Donc c'est comme ça que l'idolâtrie commençait à apparaître parmi Arabio. Donc les Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vini li joignent peuple lien, ouais que peuple lien a pas adoré statue, a pas adoré idole. Et arabe, y'a pas de gain livre précédent. Y'a pas de gain révélation précédente. Donc, y'en a une situation particulière par rapport à fils d'Israël, yo, par rapport à chrétien, yo, qui t'es, gain, Jésus qui t'est venu avec un évangile, et Moïse qui t'est venu avec la Torah, qu'on y a lui-même, li venant au peuple. Un peuple arabe et peuple ça lui-même. Donc, l'irrivé dans le peuple ça, peuple dans lui-même, il n'y a pas de livre, il n'y a pas de message prophète précédent. Yo, hein? Donc, il grandit dans la société ça. Et lui-même, lui où est peuple, il n'a pas adoré à idole. Mais gon ti catégorie parmi peuple là, catégorie son catégorie de monde qui pas dans l'idolâtrie. Yo pas adoré idole yo tant que l'autre arabio, et yo rele yo hunafa. Donc prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est yon hanif que l'teye. Son hanif l'teye, c'est-à-dire que li rejeté idolio et l'a adoré Dieu seul, l'a suivre restant de religion d'Abraham qui était rété. Te gonti on ti minorité parmi arabio qui était continuer d'adorer Allah seul. Et yore leyo al-hunafa. Kounya prophète l'alel grandit, déjà il t'ai en pile attribut et caractéristiques qui distinguait lui de l'autre monde. Et il était gon réputation dans société en que son monde qui honnête et qui fiable. Et lui-même, il sorti dans une parmi dans tribu arabio qui était plus importante parmi toutes les tribus, c'est la tribu de Quraysh. Tribu de Quraysh, c'est une tribu qui était gain le contrôle dans la Mecque, dans la ville de Mecca, c'est eux-mêmes qui ont dirigé. Et c'est plus grosse tribu dans toute Arabie. Et parmi famille de Quraysh, parmi tribu de Quraysh, grand pile famille, lui-même les sorti dans une famille spéciale, son famille qui noble parmi tribu arabio qui relait Bani Hashim. Donc les sort dans famille, une famille particulière qui relait Bani Hashim, yo même c'est moun qui gain noblesse parmi tribu de Quraysh, c'est parmi moun qui plus important dans tribu arabio. D'accord? Donc prophète là, hein, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à l'époque ça l'époque ko prophète, l'époque ko gain révélation. Mais avant que révélation vini, il était kon retirer tête li, il était kon al nan montagne pour réfléchir, pour adorer Allah, loin de idolio, loin de bruit, loin de toute agitation yo, pour réfléchir, pour comprendre, pour adorer Allah, hein. Et puis on fois là réfléchir, là prier, et puis qui ça écrivait, hein, gon ange, c'est ange Gabriel qui vini, li kembel très fort, li serrel, et puis li lagel encore, puis il dit li, hein, il dit iqra en arabe, li. Alors lui-même lui répond, lui dit m'pa konn li, parce que li était illettré, li pa konn li ni écrit. Donc mon prend encore une fois li kembel fort, hein, li serrel non. Après ça lagel, et il dit encore li. Lui même dit m'pa konn li, il kembel encore une troisième fois, il serrel bien fort, hein. Et puis après ça lagel, puis il dit li. Et c'était première révélation que Allah Azza wa Jal t'a révélé li, c'est sourate al-alaq dans le Coran. Et dans sourate ça, Allah Azza wa Jal il commence, il dit iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaq al-insana min 'alaq, iqra wa rabbuka al-akram الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم, qui signifiait, hein, lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence, lis, ton Seigneur est le très noble qui a enseigné la plume, hein, qui a enseigné par la plume et qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Il enseigne à l'être humain, ça le pas de connaît. Donc, ça c'était le premier verset de Coran qui était révélé à prophète là. L'elle recevoit pour première révélation, hein. Donc il commençait paix, il commençait trembler, parce que révélation son bas est nouvelle, il pas jamais gain expérience comme ça auparavant. Donc son bas, l'elle arrivait au début, hein, son bas qui effrayait, hein, parce que lui pas comprendre sa crivé, il pas comprendre sa cap passé. Puis ensuite l'autre révélation commençait descendre sous lui, hein, on l'autre révélation, l'autre sourate qui révélait sous lui, Allah azza wa jal li révélé, li dit ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir والرجز فهجر. Ô toi, Muhammad, revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis. Et de ton Seigneur célèbre la grandeur, et tes vêtements purifie-les, et de tout péché écarte-toi. Donc c'est l'ange Gabriel qui t'est venu pour révéler prophète là révélation, yo. Et ensuite, pendant 2 ans, pas de gain révélation. Jusqu'à ce que révélation commençait, recommençait encore. Et prophète l'a commencé prêcher message l'islam nan à peuple à arabio et li appelé yo li invité yo pour yo di la ilaha illallah, c'est-à-dire pas gagné qui méritait pour nous adorer lui excepté Allah, c'est seulement Allah qui méritait l'adoration, hein, et li en même temps la averti peuple hein, que si yo continuer adorer idole yo et yo continuer faire l'injustice, eh bien yo pral dans l'enfer, yo pral brûler en enfer. Mais si yo obéi et yo suivent prof et yo souhaite yo suivent li parce que son prophète lié et que yo continue yo obéi à Allah et yo cesser adorer idole yo, yo pral dans paradis, hein. Ça c'est base message prophète là. Donc ça crivé peuple li a commencé rejeter li et yo pas accepté message là. Yo refusé totalement pour yo abandonner idole yo. Parce que idolâtrie son bail qui nan centre hein nan mitan toute interaction sociale que arabe yo te gagne. Et en même temps son système injuste que yo te établi te gagne en pile injustice, en pile esclavage, en pile hein persécution. Donc yo pas prêt pour yo abandonner ça parce que yo gagne trop privilège, yo gagne trop avantage et yo remé idole yo. Donc prophète là lui-même il li continue prêcher et yo même yo commence à vin de plus en plus violent et agressif et yo commence à persécuter prophète là, yo moqué prophète là, yo bal faux nom, yo bal surnom, yo dit c'est poète lié, yo relé de yo traité le de poète, yo traité le de menteur, yo traité le de sorcier, hein, yo traité le de toutes sortes de noms pour yo essayer dénigrer le, hein, puis pour yo essayer rabaisser lui. Mais prophète là lui-même il est déterminé et il était patient, il était endurant, il mettait confiance li en Allah. Il n'a pas quitté moun mécréant yo découragé. Et te gen moun qui t'ai commencé accepter message là parmi compagnons li yo, gen Abu Bakr et te gen ti cousin Ali qui acceptait l'islam, te gen épouse li qui était les Khadija qui acceptait l'islam. Et te gon esclave qui est le Bilal qui acceptait l'islam. Donc Bilal lui-même son esclave éthiopien le teye. Et donc il accepté l'islam parmi premier croyant yo, hein, son esclave africain qu'il teye. Et il continuait prêcher l'islam. En pile monde commençait à entrer dans l'islam parmi nobles yo tant qu'Abu Bakr et tant l'autre compagnon tout qui était accepté et puis parmi esclavio en pile. Donc nous connaît l'Arabie c'est à l'époque son en société tribale litéye et son question tribu c'est un peu tant coup gagnoyé, hein, c'est un peu tant coup gagnoyé. Si ou gagne en pile mon nan tribu et puis que tribu en lui-même son tribu qui fort, eh bien l'autre tribu yo pas qu'à toucher ou parce que yo paix représailles ça l'autre tribu yo pral faire. Et prophète là lui-même il sort dans gros tribu et il gagne en pile mon cap fâché si on mon a pessé fait on bagaille. Donc yo pas qu'à attaquer mais l'autre esclave yo yo qui ça yo qui esclave qui pauvre ou qui pas gain statut yo pas qu'à défendre tête yo, eh bien arabe yo commencé persécuter yo, yo kembe Bilal, yo mettel nan soleil, yo mette un gros roche sous vent li, hein, et puis yo dit faut abandonner message Mohammed, faut yani faut accepter idole nou yo et faut cesser pour quoi nan Mohammed. Et lui-même li coucher sous dos dans soleil là avec un gros roche sous ventre li et puis il dit ahadun ahad ahadun ahad, c'est-à-dire Allah est unique, un. Li refuser idole yo et li kembe ferme, li rete ferme sous foi lien que Allah unique et li refuser accepter idole yo. Kounyan Bilal hein te persécuté comme ça et Abu Bakr vini li achetel nan men idolatio et puis li libérel et li vin un grand musulman par la suite hein. Il était très proche avec prophète là et c'est lui-même premier musulman qui était fait adhan, appel à la prière, et bien c'est Bilal qui était qu'on fait. Gen l'autre sahaba qui était même mushrikin yo idolat yo te commencé même tuer certains musulmans yo. Par exemple Ammar son l'autre compagnon et puis yo te prend maman avec papa et yo commencé torturer yo. Kounya yo tué maman devant je Ammar, yo tué maman et yo tué papa. Kounya Ammar lui-même hein li yo persécuté le tout et yo essayé imposer pour le renier prophète là. Donc te gen pile persécution, en pile mauvais traitement hein de la part des idolâtres qui a combattre l'islam. Donc prophète là lui-même li encourager l'autre compagnon pour yo quitter la Mecque pour yo aller chercher refuge en Éthiopie. Parce qu'en Éthiopie te gen roi chrétien qui était juste qui était relé An-Najashi et yo li voye un compagnon lio qui pas gain support avec l'autre tribu yo pour yo aller chercher refuge dans Éthiopie. Et entre-temps prophète là lui-même prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui ça l'a fait l'a essayé chercher une tribu yo qui ca bal anti support on l'aide pour le cas propager message de Allah et pour le cas inviter tout le monde à l'islam avec force. Donc chaque année tribu arabe yo te kon réuni pour pèlerinage là, yo te kon vini pour adorer idolio. Chaque année yo te kon vini parce que ça c'est ça qui était dans religion Abraham, ça l'était enseigné yo, mais yo même yo déformé pratique yo introduit idol yo nan bail là hein. Yo te gen 360 idoles autour de la Kaaba, 360, et en plus yo gen l'autre idole que yo a pas adoré tout, Al-Lat, Al-Uzza, Manat et Hubal et Dhul Khalisa, en pile idole yo te gen et yo te kon adoré idole sa yo. Kounya, chaque tribu qui vini, prophète là lui-même, là le rencontrer responsable tribu yo. Et puis il dit yo, est-ce que n'a pas accepté pour n'a défendre moi dans propagation message islamique nan? Et pour n'a supporter m et n'a aider m dans message là. Et puis toute famille gain oncle prophète là, parmi famille prophète là, t'es gain monde qui t'es détester l'islam et qui détester prophète là. Chaque fois là il parle avec un monde, yo même yo vini derrière lui et puis yo dit pas écouter neveu nan qui ça l'a dit, son foulier, c'est son monde fou, et ça l'a dit, l'a critiqué idole nou yo, l'a critiqué culture nou an, hein, et bagarre comme ça. Donc pas écouter le pas suivre lui hein, yo pas content de message de l'islam nan. Donc prophète là lui-même l'a pèse joindre en support et là dans l'autre ville qui est Taif hein, on l'autre côté qui était dans le sud hein, y a dans ville ça pour laisser joindre un petit aide là-bas. L'elle rive là-bas yo chasser la roche hein, yo chassé lui-même avec un servant qui était avec lui, hein, yo lancé roche sous lui et puis yo même frappé le nan pied lui, l'a saigné, sang a coulé nan pied. Et puis l'elle rivé en dehors de ville là, zange yo vini. Et yo dit prophète là, si ou voulez, n'a prend deux montagnes ça yo et n'a écrasé moun ça yo en deux montagnes yo, hein, à cause de ça yo fait. Hein, à cause de ça yo sort fait là, les yo chassé au comme ça. Et prophète là lui-même, c'est il était gain en pile miséricorde pour les hommes. Il pas accepté ça. Il dit non, m'pas voulez que nous écraser moun yo, parce que peut-être que dans petit yo pral gain moun qui pral croire en Allah et qui pral adorer et qui pas associer rien avec lui dans l'idole yo. Hein? Donc il pardonne moun yo et il fait yo miséricorde et il continue prêcher message lien jusqu'à ce que gonti groupe parmi habitants d'une ville qui était relée Yathrib qui viennent à la Mecque, hein, ville ça par la suite, eh bien kounyan li rele Al-Madina, c'est la ville, hein, des premiers arabes qui ont quitté croé commencer à accepter l'islam. Yo vin la Mecque, yo rencontré prophète là et yo accepté l'islam et yo dit n'a supporté ou et si ou vin nan ville nou n'a défend nou et n'a travaillé avec pour nous cap propager l'islam. Donc les yo accepté l'islam, prophète là lui-même l'a accepté, hein, et Allah azza wa jal ordonné le pour l'al émigrer dans la ville de Médine. Et donc, Kounia, prophète l'a joint en support. Religion a commencé à propager. Les Arabes de Quraysh, hein, tribu Quraysh, là, les autant dès que prophète l'a quitté, la Mecque, hein, ils ont commencé même planifier pour essayer d'assassiner elle. Ils ont besoin de tuer. Et yo dit nous pas qu'à tuer un seul tribu, pas qu'à tuer monsieur, parce que si son seul tribu qu'a tué lui a bien représailles, hein, et bani Hashim pour combattre avec nous pas capable. Donc qui ça yo fait, yo dit nous pral choisir yon dans chaque tribu, on jeune dans chaque tribu nous yo pour yo mettre yo tête yo ensemble, yo pral tout tuer en même temps, yo tout pral poignarder lui en même temps et laisse un seul tribu pas capable combattre toute l'autre tribu. Donc il a planifié pour essayer assassiner le prophète là pendant ce temps prophète là lui-même l'a planifié pour l'al, hein, Médine, pour le quitter, pour le rejoindre musulman Médine. Donc il prophète là organisé on plan pour quitter la Mecque, hein, et puis l'arriver finalement jusqu'à Médine. Il fait ça nous relé en arabe al-hijra, hein, il émigrer jusqu'à Médine. L'arrivée à Médine, il commence à établir premier mosquée, hein, et croyants commencé à augmenter, mounio commencé à entrer dans l'islam, religion a commencé à prendre de plus en plus de force et les idolâtre autant de ça, yo pas content. Hein? Quand y a prophète là lui-même, il arrive à Médine avec un nombre de compagnons qui viennent émigrer avec lui. Et puis yo voit que arabe yo prend yo voler tout bien que musulman yo te gain à la Mecque pour yo al vendre ba yo en Syrie. Les musulmans autant de ça, yo réalisé que faut yo faire un bagage pour yo stopper caravane nan qui pral vendre tout bagage ça yo pour yo faire comme avec bien musulman yo. Qui ça yo fait, yo arrangé en stratégie pour yo intercepter caravane nan. Mais ça qui est arrivé, c'est que pendant que musulman yo t'a planifié pour yo intercepter caravane nan, idolatre tande que prophète là pour attaquer caravan nan yo prend l'autre chemin kounya idolat de la Mecque yo préparé en armée pour yo al rencontrer musulman yo à la place côté yo tap tande caravan nan les yo rivé avec 1000 hein 1000 parmi les mouchrikin te gen à peu près 300 parmi les musulmans nan côté qui relé Badr. Et c'est là que première bataille est arrivée entre musulmans yo et avec prophète là et mouchrikin yo idolatre yo. Et malgré que musulmans yo étaient seulement 300 et que idolatre yo te gain 1000 avec yo, eh bien c'est musulmans yo qui te gain la victoire. Et c'est à partir de moment ça que musulmans yo commencé gain de plus en plus de force, plus en plus de d'importance. Et t'es gagné en pile l'autre affrontement qui t'est arrivé par la suite, jusqu'à ce que le prophète l'a accepté pour le faire un pacte, on entente de paix, on traité de paix avec idolatio à la Mecque pour y cesser toute agression pendant 10 ans, jusqu'à ce que idolatio brise propre traité a, ils ont brisé, ils ont pas respecté traité a. Donc prophète là lui-même, qu'on y a pendant 10 ans, prophète là prêché l'islam, nous n'a pas entré dans la religion de tout côté de l'Arabie, toute tribu a commencé à convertir à l'islam, musulmans ont commencé à venir de plus en plus nombreux et l'islam, le message de l'islam et de l'unicité d'Allah commence à venir tout côté. Kounyan lè idolat yo brisé entente lan que yo te gen avec musulman yo, eh bien prophète la li même li réalisé que moun sa yo pa gen parole, li préparé une armée immense pour entrer à la Mecque. Lè li rivé à la Mecque, idolat yo comprendre que yo pa ka affronter prophète là parce que kounyan musulman yo trop nombreux, pa même gen bataille. Li juste rivé et li prend la Mecque. Il commence à détruire toute statue, toute idole yo. Youn par youn. La frappe idole yo, la détruit yo. Hein? Et, li fait prière. Et puis, à partir de l'essa, la Mecque vient musulmane. Hein? Et li purifie maison de Abraham, que l'était construit avec petit li Ismaïl pour l'adoration du Dieu unique, Allah. Et puis, c'est après ça que l'islam commençait à répandre encore plus hein, dans le monde. Après la mort du prophète, les compagnons ont continué, ils ont continué la mission de propager l'islam. Et l'islam entré à dans l'empire romain, crasé, l'empire perse, l'empire perse tout qui était important à l'époque ça. Musulmans ont écrasé l'empire perse, ont établi un grand empire islamique. L'islam commence à propager jusqu'en Afrique, Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, jusqu'à l'Espagne. Hein, musulmans ont été entrés en Espagne, ils ont été pendant 800 ans en Espagne et ils ont presque entré jusqu'en France. Ils ont arrivé à Poitiers. Hein, l'islam commence à propager, ils ont arrivé jusqu'à Poitiers. Et c'est là que t'es gain en résistance là-bas, y'a pas de cas avancer plus, mais y'a t'es arrivé jusque là-bas et jusque dans l'Orient, y'a entré jusqu'à la Chine hein, et jusqu'à aujourd'hui ou en Chine ou Bralwe, gain à peu près 80 millions musulmans en Chine, gain musulmans en Inde, gain musulmans en Indonésie. Plus grand pays dans le monde que gagne plus grand pays musulman que gagne plus grand qui gagne plus grand population dans tout pays musulman yo pays qui gagne plus population musulmane nan c'est un pays qui relé Indonésie et dans Indonésie hein gagne à peu près à l'époque yo te gagne 144 millions de musulmans qu'on n'aime pas connait combien yo probablement yo plus que ça. Mais gain pile musulmans là-bas, gain musulmans dans presque tout pays dans le monde. Kounya avant pas de gain en pile musulmans en Haïti, kounya en Haïti commence gain pile musulmans et dans toute île, Caraïbes yo kounyan commencé gen musulman tout commencé gen mosquée sou al en Jamaïque ou al même Cuba qui ont son pays communiste lié au pari mais religion même là-bas gen mosquée kounyan ou pral nan Martinique ou pral nan Guadeloupe ou pral nan Saint-Vincent ou pral nan Guyane ou pral nan Amérique du Sud Brésil tout côté hein Mexique gen mosquée ou pral nan Trinidad Tobago gen mosquée ou pral nan Bahamas gen mosquée tout côté kounyan l'islam commence à propager et en Haïti jusqu'à yani peut-être 30 ans en arrière l'MT à en Haïti première fois pas de pile mosquée te gen peut-être 2 ou 3 kounyan gen commence gen en pile mosquée en Haïti et l'islam commence à propager hein alhamdoulillah donc ça c'est message de l'islam là qui a propagé et ça c'est exemple de prophète là lui-même qui est cité c'est ça c'est un petit résumé de histoire prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de mission que le gagné et de façon que le travaille pour le propager message religion prophète là Mohammed sallallahu alayhi wa sallam li gen quelques particularités par rapport à l'autre prophète yo bagay qui spécifique c'est que l'autre prophète qui était venu avant prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam yo était venu pour un peuple en particulier c'est-à-dire que tout l'autre prophète qui était venu avant yo venu pour un peuple en particulier même Jésus l'élevé il dit je ne suis envoyé que pour la brebis perdue de la maison d'Israël il est pas venu pour tout peuple hein et Moïse il est venu pour fils d'Israël tout tout prophète ça était venu pour peuple yo seulement il est pas venu pour tout l'autre peuple et c'est peut-être ça Allah t'a envoyé un prophète pour chaque peuple a, auparavant quand il y a un prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam une particularité lien c'est que c'est lui-même qui le dernier des prophètes le dernier des messagers pas gain l'autre prophète après lui d'accord donc par rapport à réalité ça c'est peut-être ça que li pas voye Allah pas de voye là un peuple en particulier seulement même si premier peuple nan côté il était allé à c'est à cause du, parce que il était arabe donc l'elle commence mission li c'est parmi arabes que il était sauf que message lien li adressé à toute l'humanité son message universel lié son religion universelle lié hein et Coran nan ça sont l'autre particularité prophète là c'est que son en révélation que Allah te baili hein son livre qui contient la parole d'Allah et livre ça li pas révélé d'un seul coup son livre qui révélé pendant 23 ans et selon toute situation qui arrivait hein toute situation qui présentait yo à travers la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et situation qui arrivait avec idolatrie et l'autre contexte qui était arrivé à l'époque à chaque situation Allah voyait révéler un verset pour clarifier qui gens pour nous agir dans situation donc son révélation qui révélait par étape et qui clarifiait toute situation que l'être humain gagne en ville et ça son en particularité de prophète là tout c'est que son modèle complet lié parce que lui montrer nous qui gens pour adorer Allah dans toute situation dans tout aspect de la vie c'est pas une religion qui seulement enseigner nous qui gens pour nous prier qui gens pour nous adorer Allah mais qui nous enseigne qui enseigne nous qui gens n'a vivre hein qui gens pour nous faire politique qui gens pour nous faire économie qui gens pour nous faire vie sociale qui gens pour nous yani établir relations internationales hein l'aime dit qui gens pour nous faire c'est pas en question de en façon par exemple dans le sens que n'a pas prendre économie ou bien et politique dans religion ça me voulait dire c'est que li bay nou kelke règles et kelke principes pou nou respekte lè n'ap etabli principe sa yo ou bagay sa yo. Par exemple, lè ou ap fè commerce, gen bagay, gen règles pou respekte, pou pa tombe dans l'injustice, pou pa tombe dans le péché. Lè ou ap fè politique, gen règles, prophète la te enseigné ki jan l te gouverner, ki jan l te fait entente de paix, qui Jean le fait la guerre, elle tape combattre l'autre peuple, Jean pour nous agir dans situation ça yo. Prophète là lui-même son par exemple si vous comparez avec chrétien yo, m'a ba nous un exemple pour nous comprendre. Par exemple, les on croyant besoin connaît pour qui Jean pour l'agir en tant que mari, qui Jean l'a pas agi avec femme li. Eh bien, prophète là lui-même, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui enseigne nous, hein, qui j'en n'a pas agi avec madame nous, qui j'en n'a pas agi avec femme nous, hein. Ça sont exemples qui clair parce que lui-même, il était marié. Tandis que, les regardez par exemple, prophète Jésus, hein, Jésus lui-même, les Allah azza wa jal prend, il est élevé dans les cieux, il peut qu'au fini ville, et il pas de temps pour le marier encore. Donc, les pas qu'à bon exemple qui Jean on mari supposé agir avec femme li. Les pas qu'à bon exemple qui Jean on papa a agir avec petite li. Hein, qui Jean pour le faire pour son pour l'agir avec un yani petite que le gain. Donc nous gon un exemple dans prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui Jean pour nous agir avec petite nous yo, qui Jean pour nous agir avec madame nous, qui Jean nous fait mariage, qui Jean nous fait divorce, qui Jean n'a réglé situation gouvernement, qui Jean n'a réglé situation dans économie, qui Jean pour nous régler situation par rapport au crime, les moun a désobéi, les moun a fait péché, les moun a fait bail criminel, qui Jean a réglé bagay ça, les gain problème avec moun, les gain guerre ou gain nous besoin faire on traité de paix ou l'autre bagaille comme ça, toute bagaille soit expliquée dans l'islam. Qui Jean pour nous diviser héritage, les moun mouri, qui Jean nous fait pour nous enterrer, qui règle pour nous respecter dans bagaille ça yo pas expliqué en détail dans religion chrétienne non parce que yo pas de gain règle sous bagaille ça yo. Hein? Parce que en réalité, prophète Jésus lui-même, il était venu avec un message qui pas un message qui était général, mais il est venu pour le rajouter, pour clarifier règles que Moïse t'a déjà expliqué dans la Torah. C'est peut-être ça. Si on prend juste Nouveau Testament et puis ou pas associé avec la Torah. C'est pas un livre complet, c'est pas règle pas complète, hein? Tandis que Coran lui-même, avec exemple prophète là, lit complet, son message complet lié. Donc ça, son particularité très importante. En même temps aussi, c'est que Allah Azza wa Jal lui voyait avec un message pour tous les hommes, toute l'humanité. Et en même temps, même les djinns, ça veut dire que même djinns, yo supposé obéir à prophète là, yo nous supposé inviter yo pour yo soumettre à Allah pour yo suivre prophète là tout. Donc c'est pas seulement même message unique pour les êtres humains seulement, mais c'est un message même pour les djinns, hein, subhanallah. Et signification de témoignage de l'islam, là où moun accepter l'islam, les témoigner de la ilaha illallah, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, hein, pas rien qui méritait pour nous adorer excepté Allah, et les témoigner de messager, il dit wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, témoigner que Muhammad c'est le messager d'Allah. Donc des fois là on parle avec un chrétien, hein, un monde qui est chrétien ou bien un haïtien qui est chrétien, eh bien, souvent, les ouap parlent de l'islam, ils comprennent l'islam, mais, ils pas connaissent qui est-ce qui est Mohammed. Donc les wa parle de Mohammed, il dit même pas qu'on Mohammed qui est lié. Les qu'on Abraham, les qu'on Moïse, les qu'on Jésus, mais les où dit Mohammed, c'est un coup wa parle de un étranger. C'est peut-être ça que l'important pour nous clarifier qui est-ce qui était Mohammed, qui s'acte histoire lui et les on monde commencer croire dans l'islam et que lui accepter message religion musulmane non, eh bien il témoigner que Mohammed c'est le messager d'Allah, mais pour le témoigner de Mohammed faut le connaître qui est lié. Donc nous mêmes musulmans les nous dit que nous croyons en Mohammed, c'est pas même gens ça chrétien yo gain les yo croient en Jésus, yo dit nous croient en Jésus, mais les yo dit que yo croient en Jésus c'est parce que yo adoré Jésus, yo pensaient que c'est Dieu lié ou que son bagage son question de divinité que le téyé hein, et donc yo prié à Jésus, yo fait image de Jésus, yo prosterné devant, yo mettez yo à genoux devant la croix, bagaille comme ça. Ça toute bagaille ça yo nous-mêmes musulmans nous dit non, ça c'est idolâtrie et Jésus pas t'enseigner de pour nous faire ça. Donc là nous dit nous-mêmes musulmans que nous croyons dans Mohammed, c'est pas dans sens ça hein, nous croyons dans Mohammed même gens que nous croyons dans Jésus que c'est message un messager le téyé hein qui venait avec un message et n'a suivre lui nous suivre exemple mais nous pas adorer, nous pas prier hein, c'est Dieu seulement que nous adorer, c'est Dieu seulement que nous prier Allah hein. Et en même temps là nous dit que nous croyons en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui ça lui impliquer, eh bien lui impliquer que nous obéir dans sa lutte ordonnée. Donc Coran c'est la parole d'Allah et prophète là lui-même c'est explication de Coran. Donc c'est non, ça nous relève la sunna hein, la sunna du prophète, c'est exemple de prophète là avec parole lio et exemple lio que nous suivre pour nous appliquer Coran. Ensuite faut nous croire dans tout ça que il t'a enseigné à propos de la religion, même si ça le dit dans parole lio hein, que nous relève hadith, ça c'est les paroles du prophète et les actions du prophète et les approbations du prophète, compagnon yo té compilé toute parole lio et yo enregistré toute connaissance que prophète la té enseigné yo et yo gardé parole yo et jusqu'à aujourd'hui n'a suivre explication prophète là, nous croyons dans toute ça li enseigné nous. En même temps, faut nous écarter nous de tout ça prophète la té interdit. Donc si prophète la té interdit un bagaille, même si li pas interdit dans le Coran, depuis l'interdit dans parole prophète là, eh bien, faut nous écarter et faut nous cesser hein pour nous faire. Et en même temps, s'il t'est découragé nous bien ni t'est réprimandé en pratique ou en bagaille, eh bien, nous faut nous cesser faire. En même temps, faut nous adorer Allah selon exemple que sa prophète là t'a enseigné. C'est-à-dire que les nous prier, faut nous prier, même Jean prophète là t'es prié. Les nous n'a pas adoré Allah, faut nous suivre exemple prophète là. Jean prophète là t'es adoré Allah. Parce que sinon, si vous inventez en l'autre façon, ou inventez un bagage avec tête ou et ou fait innovation en religion, eh bien c'est comme ça que religion a bien corrompu. Et c'est comme ça que chrétiens yo avec juifs yo déformé message religion hein, les ont inventé nouvelle croyance que Jésus pas enseigné et nouvelle pratique dans religion, ils ont incorporé bagaille que Jésus pas enseigné et puis religion vinn on l'autre bagaille différent de ça que Jésus t'est prêché. Donc si on monde dit que son musulman lié et puis que le commencer introduit dans religion en bagaille que prophète l'a pas enseigné, eh bien l'a déformé réalité religion. Donc ça veut dire que c'est pas l'islam l'a suivre, mais c'est innovation, c'est bid'a hein, ça nous relie en arabe bid'a, et ça c'est un bagage qui très très très grave et nous t'ai fait déjà en conférence sur ce sujet là, donc nous gain compréhension déjà sur ça. Et donc c'est un petit résumé que me fait à propos de vie prophète là, m'espérer que l'app aide nous et puis en même temps pour nous connaître que même dans l'Ancien Testament ainsi que dans le Nouveau Testament, te gain annonce que yo t'ai fait à propos de prophète Mohammed, qui t'ai annoncé que l'itapral vini et Allah Azza wa Jal t'ai mentionné prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la Bible, même dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament tout. Et qu'on référence à prophète là dans Deutéronome. Dans Deutéronome 18, et m'a cité verset à pour nous, son verset qui est assez clair par rapport à prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Wa alaykoum salam. Donc prophète là lui-même, dans l'Ancien Testament, dans verset 12 à 22, dans Deutéronome, dans chapitre 18, il était annoncé que tu as un l'autre prophète qui t'a pral venir et il dit que son prophète qui pral fait partie de frères de frères, donc frères de frères, c'est-à-dire arabio, parce que arabio c'est frère hébreu, parce que yani Ismaïl c'est frère Ishaq l'était. Donc prophète Ismaïl en lui-même c'est petit Abraham. Et c'est de lui-même que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam descend, et tandis que 12 fils d'Israël, eux-mêmes, ils descendent de Isaac, hein, donc c'est frère, yo. Ensuite, ils ont dit dans le verset A, que tout ça, hein, c'est là tout ce que tu as demandé à l'Éternel, ton Dieu. Donc, il mentionnait que, yani il va sortir un prophète nan mitan frère yo, un prophète même Jean avec, c'est-à-dire même Jean avec Moïse, et là où comparer prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec Moïse, où est grand pile ressemblance, hein, prophète Moïse avec prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en pile ressemblance, c'est on dit il était chef nan peuple li, hein, et c'est également il était chef d'armée tout, parce qu'il était combattre contre le peuple de Canaan, hein, il était en armée, et il était enseigné, il était venu avec un livre, une révélation qui gain on législation tout. Donc c'est pas seulement en question spirituelle ou la prière ou les adorations, mais en même temps il gain législation dans Ancien Testament tout, parce que c'est pas seulement les 10 commandements que Allah t'est révélé à Moïse, t'es qu'il y a un paquet de lois, hein, en plus, règlements et législations que yo t'es supposé, suivre. Ensuite, yo décrit prophète là, yo dit que, il dit, m'pral mette parole moi dans bouche li. Ça veut dire, il pral mette parole, Allah Azza wa Jal a mis des paroles li nan bouche prophète ça. Et là où est Coran nan, hein, c'est la parole d'Allah, et prophète là lui-même, c'est seulement li transmettre message là seulement. Ensuite, il dit, donc il mentionnait en pile l'autre exemple, il dit si gon l'autre prophète qui vini et puis que li parle à propos d'un autre dieu ou d'autre monde, il sera mis à mort. Ça veut dire, hein, s'il parle, s'il après les mounions pour adorer l'autre divinité, hein, il sera mis à mort. Donc ça, c'est une preuve également par rapport à Jésus, que Jésus lui-même, hein, c'est pas lui-même qui t'est appelé pour y adorer, hein, pour y adorer lui, hein, c'est moun qui déforme message lui, hein, parce que sinon Jésus lui-même, son prophète de Dieu, donc il pas gain droit pour l'appeler monde pour l'appeler monde pour yo adorer lui, hein, c'est pour adorer Allah, hein. En tout cas, si nous retournons dans verset ça, gain exemple et dans Nouveau Testament tout, gain la mention du consolateur, ça y aurait le consolateur en grec, il dit le paraclet. Donc gain pile signe dans Ancien Testament, gain l'autre verset tout gain pile bagaille. Depuis on moun besoin plus détails à propos de ça, nous juste chercher par exemple sur internet Mohamed dans la Bible, n'a besoin en pile information sur sujet là et nous parle ouais clairement que prophète l'a été annoncé dans dans révélation précédente. Yo. Donc moi-même m'a quitté nous avec ça parce que connait c'est prière cap commencer bientôt. Donc n'a prêté avec ça, mais j'espère que ça m'a été expliqué en l'a clair pour nous et que n'a besoin information cap bénéfique pour nous à propos de prophète qui est prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam teye. Et puis en tout cas m'espère que sa conférence ça a en cause pour que en pile monde apprendre à propos de qui est prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam teye et puis que yo pral accepter message prophète là. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum.